Annie est encore en train de pleurer. Annie croit que la pluie ça se passe dans les yeux. Manie d'Annie de sans cesse picoler. Mais Annie se détruit à petit feu. Oui, et moi, je suis devant ta porte. Et j'attends, j'attends patiemment que tu sortes. Moi qui te pensais si sereine et si forte, je n'ai pour compagne que les feuilles mortes. Annie, Annie, arrête tout ça. Annie, Annie, reviens vers moi. Annie, Annie, arrête tout ça. Annie, Annie, reviens vers moi. Annie n'a jamais, jamais aimé. Annie a pour seule passion l'excès. Annie chaque soir joue avec sa vie. Annie boit plusieurs litres de whisky. Oui, et moi, je suis devant ta porte. Et j'attends, j'attends patiemment que tu sortes. Moi qui te pensais si sereine et si forte, je n'ai pour compagne que les feuilles mortes. Annie, Annie, arrête tout ça. Annie, Annie, reviens vers moi. Annie, Annie, arrête tout ça. Annie, Annie, reviens vers moi.